Merci Jean-Séverin. Alors, moi je vais vous parler d'Adamante, qui est effectivement un des avatars de Vitam, comme cela a été évoqué. C'est un petit peu plus que ça aussi. Je vais vous parler d'Adamante. Un certain nombre d'entre vous en ont déjà beaucoup entendu parler. Donc, je vais certainement faire un certain nombre de redites pour ces gens-là. Veuillez accepter mes excuses par rapport à ça, parce que ça commence à être une chanson que je chante depuis un certain temps. Mais il y a quand même quelques nouveautés, de nouveaux couplets dans cette chanson. Alors, concernant le projet Adamante, d'abord, comme cela a été dit, c'est le projet d'archivage numérique du ministère de la Culture pour les besoins d'archivage définitif. Un projet des archives nationales porté avec la sous-direction des systèmes d'information du ministère de la Culture. Et donc, l'enjeu général, c'est bien de permettre que les archives nationales continuent d'exercer leur mission de manière, sur l'archivage définitif, en continu, en s'adaptant à l'évolution de la production d'archives et à la part grandissante donc, des archives nativement numériques. Donc on est vraiment d'emblée dans une logique d'adaptation générale de cette chaîne d'archivage, tout en restant dans ce contexte de la chaîne d'archivage. Alors Adamante, il y a trois A, et ça tombe bien, il y a aussi trois grands objectifs. Le premier grand objectif, celui sur lequel on a tendance à se concentrer, pour lequel on a constitué une équipe particulière et dont on vous a déjà aussi un petit peu parlé au travers de l'intervention de Jean Séverin, c'est... Un aspect système d'information, c'est la construction, l'assemblage d'une plateforme d'archivage numérique, donc d'un outil technologique, d'un outil informatique, qui s'appuie sur le logiciel Vitam en back-office, c'est-à-dire que les utilisateurs n'accèdent pas à Vitam. Ils passent par un front office, les Canadiens et les Québécois diraient un guichet, un avant-guichet. Voilà. Un front office donc, qui est en fait le logiciel habituel des archives nationales, le SIA, Système d'information archivistique. Simplement, ce SIA, j'y reviendrai, on va le faire évoluer en ajoutant des fonctionnalités pour permettre la gestion des archives numériques et pour permettre qu'ils discutent bien avec Vitam. Le deuxième enjeu d'Adamante, c'est tenir compte de l'existant, puisqu'en fait les archives nationales collectent et conservent des archives numériques depuis 1984. Et donc on a environ aujourd'hui 50 téraoctets de données d'archives numériques, d'archives nativement numériques définitives aux archives nationales. Donc il y a un enjeu qui est évidemment d'intégrer toutes ces archives dans notre nouveau système. Donc un enjeu de migration de données qui rejoint aussi une problématique, ce qui rejoint aussi une problématique générale qui a été déjà un peu évoquée, qui est le fait de garantir l'utilisation de la plateforme. Voilà, c'est important d'alimenter la plateforme avec ces données reprises et aussi en organisant de nouveaux versements et la prise en compte de la conservation et de la communication de nouvelles archives. Et là, je viens au troisième point, troisième objectif, c'est adapter de manière plus générale les modes de travail en matière d'archivage nativement numérique dans la chaîne des archives nationales. Alors, c'est là où ça peut potentiellement tous vous concerner un petit peu, voire beaucoup. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à cette logique-là d'adaptation des modes du travail, on s'appuie complètement sur l'organisation existante, c'est-à-dire que les interlocuteurs privilégiés des archives nationales sont les missions et des archives de France auprès des ministères et les services d'archives implantés dans les établissements publics et les ministères qui servent habituellement d'intermédiaire aux archives nationales. On s'appuie vraiment sur l'organisation existante. Par contre, ce qui est important à considérer, c'est que pendant le temps de ce projet Adamante, ce qu'on a décidé de faire, ce pourquoi on met en œuvre des actions, c'est de construire les fondations d'un fonctionnement qui doit durer bien au-delà du projet et qui a pour vocation de prendre la pleine mesure du développement des archives nativement numériques dans le contexte général de la production d'archives et de la production d'archives définitives. Donc ça peut toucher les services producteurs, vous, les archivistes en mission, de manière générale, et puis aussi l'organisation interne des archives nationales. Je rappelle à peu près 500 personnes, 5 à 10 personnes chargées des archives numériques jusqu'en 2015. Voilà, ça vous donne 1%, donc, du coup, 1 à 2%. Donc une réflexion aussi de fond au sein des archives nationales sur l'évolution des pratiques, de l'organisation, des ressources aussi dédiées au traitement de ces documents-là, dont encore une fois la part est grandissante au regard de la production générale des archives dans les administrations et dans les établissements publics et les opérateurs nationaux. Alors, le volet purement informatique d'Adamante, j'ai déjà un petit peu évoqué. J'ai déjà largement évoqué le fait que ça s'appuyait sur Vitam et sur une évolution du SIA. Le troisième élément à prendre en compte par rapport à cet aspect de construction de plateforme, c'est la création d'infrastructures spécifiques. Donc par rapport à ce qu'évoquait Bruno tout à l'heure, on est dans une sorte de cloud interne, même si ce n'est pas un cloud officiel au sens de ce que même Mounir Majoubi évoquait. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de mettre en place, par la sous-direction des systèmes d'information du ministère de la Culture, des infrastructures spécifiques, adaptables, évolutives, sécurisées et qui permettent pleinement d'accomplir nos missions. Donc il y a une très, très importante part du travail autour de cette construction d'infrastructures qui doit aussi permettre de faire, qui doit aussi être adaptée aux outils technologiques que sont Vitam et le SIA. Alors, Adamante, d'un point de vue calendrier, donc démarrage en 2015, fin en 2020. Donc, comme je l'évoquais, on est vraiment dans une optique d'un projet qui doit concevoir un outil technologique, mais qui doit aussi bâtir les fondations pour que la vie continue après 2020. Voilà, Adamante, c'est qu'un moment. Le tout, c'est que ce moment serve ensuite pour construire des choses plus durables. Donc une grande échéance arrive pour nous, ça a déjà été évoqué, en novembre 2018, notre première mise en service, qui va correspondre au début d'une phase pilote, en fait, de plusieurs mois, dont je vais vous parler, et qui coïncide avec la mise en œuvre d'un certain nombre de principes qu'on souhaite ensuite approfondir jusqu'à la fin du projet. Alors, donc les travaux de cette plateforme, où en est-on ? Pour bâtir une plateforme, il faut plein d'ingrédients. Donc on a bien avancé. Nos infrastructures sont déjà en place pour ce qui concerne le socle absolument vital pour démarrer. On continue à travailler dessus, mais c'est opérationnel. On avait besoin d'une version de production de Vitam installée sur nos infrastructures, c'est fait. On avait besoin de modules applicatifs spécifiques à ajouter au SIA pour permettre en front office, donc en avant-guichet, là, de traiter les archives numériques. On les a développés. Je vais revenir là-dessus. On avait besoin, par ailleurs, de faire évoluer certains modules anciens existants du SIA pour permettre quand même une interaction entre la gestion des archives papier et des archives numériques, puisqu'on a, on a cette ambition-là de manière générale. Donc ça, c'est fait aussi, avec, par exemple, des fonctionnalités uniques d'accès à l'outil, et puis aussi des petits mécanismes déjà... J'ose à peine dire d'hybridité, mais enfin, c'est l'idée, c'est de construire déjà des liaisons. Donc, par exemple, la génération de numéros de versement à partir d'un compteur unique. Et puis ensuite, pour construire la plateforme, par rapport à ce que je disais sur l'aspect adaptation, donc, on a mis en place depuis déjà plusieurs années, vous êtes un certain nombre à l'avoir goûté, des échanges soutenus donc, avec les futurs utilisateurs de la plateforme, et notamment avec les premiers utilisateurs pendant cette phase pilote, que seront les missions et les services des archives nationales, y compris les services archives nationales qui n'avaient jamais goûté aux archives numériques, les malheureux, enfin ou les bienheureux, ça dépend de quel sens on voit les choses. Donc, ces échanges continuent et vont continuer jusqu'à la mise en service de la plateforme et vont continuer ensuite, puisqu'on travaille, on est en train de travailler sur cette mise en service aujourd'hui. Donc, ce sur quoi là, on travaille de manière extrêmement concrète en ce moment, d'ici la mise en service du 29 novembre, sont des tests pour faire tourner notre plateforme. Et puis une homologation de sécurité au titre de la sécurité des systèmes d'information, puisqu'on souhaite être le plus possible, enfin on souhaite être cohérent avec le référentiel général de sécurité, un certain nombre de contraintes mises en place au niveau de l'État sur ces questions-là pour l'ouverture. Voilà, et on a une date de sortie, donc le 29 novembre. Alors, les développements de nos modules spécifiques pour la gestion des archives numériques, je vais passer très vite là-dessus, juste pour vous dire qu'on développe selon des cycles courts de 3 semaines, qu'on appelle des sprints, selon une technologie de développement qui s'appelle Agile, qu'utilise aussi Vitam. Et on a commencé nos développements à la fin du premier trimestre 2017. Et en gros, on a terminé les développements pour la mise en service, on les a terminés en août. Voilà. Et au fur et à mesure, donc, on fait ces développements, on teste, en mettant en œuvre l'interfaçage, on teste donc les versions de Vitam qui nous sont livrées. Donc là, pour la mise en service, on sera interfacé avec la version 1.4 de Vitam. Alors, nos développements, sur quoi s'appuient-ils ? Ils s'appuient sur les développements réalisés par Vitam. Donc là, c'est la diapositive que vous a projeté Jean Séverin tout à l'heure. Voilà, on a cet ensemble de fonctionnalités qui sont disponibles pour nous. Et par rapport à ça, nous, on a notre propre feuille de route sur les années 2018 à 2020, avec des grands axes de développement de fonctionnalités et de logique de mise en service de la plateforme. Donc cette année, nos objectifs, c'est de permettre de faire des entrées dans la plateforme, donc des demandes d'entrée du point de vue des missions et de la gestion d'entrée du point de vue des archives nationales, en se centrant d'abord sur des problématiques de prise en compte de versement de bureautique, messagerie, et comme l'évoquait François Janin, dans des volumes encore relativement modestes par rapport à une phase pilote. Et par ailleurs, pour pouvoir permettre d'assurer cette gestion, on a développé un certain nombre de fonctions socles en matière d'accès, en matière de gestion, en matière d'administration de la plateforme. Pendant cette phase, nos seuls utilisateurs donc, seront des archivistes professionnels, ceux de la chaîne d'archiveurs des archives nationales, donc mission et archives nationales. Tous les utilisateurs externes passeront par le truchement de ces utilisateurs professionnels. À partir de 2019, l'idée est petit à petit, dans des livraisons qui devraient être trimestrielles, de petit à petit livrer davantage de fonctionnalités, et notamment en s'appuyant sur ce qu'a fait Vitam, livrer plus de fonctionnalités en matière d'accès et développer les possibilités d'entrer dans la plateforme en développant, si possible, de plus en plus des aspects automatisés pour ces entrées. Et en 2020, nos grands axes de travail, c'est la diffusion des données, donc tournée vers Internet, dans une optique de diffusion de données libres de droit, et les questions de pérennisation sur lesquelles Vitam est en train de travailler. Donc, pour notre première version, pour la mise en service, oui, je sais, c'est absolument illisible. Donc, ce qu'il faut retenir, là, c'est les couleurs. Hein. En bleu, c'est les entrées. Donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup plus d'entrées que le reste. Donc c'est les fonctionnalités liées aux entrées en bleu. En orange, c'est les fonctionnalités liées aux questions d'accès. Et en vert, la gestion. Et en gris, tout ce qui est administration. Donc vous voyez quand même la part prédominante des entrées dans ces axes de travail, dans ces axes de développement. Alors, je ne peux pas vous faire de démonstration de l'outil ce matin. Mais j'ai quand même prévu un certain nombre de copies d'écran pour vous montrer ce que ça ressemble. Donc l'accès classique via ce qu'ils connaissent via le SIA. Donc on a vraiment uniformisé les modalités d'accès aux fonctionnalités, que ce soit pour le papier ou pour le numérique. Et ensuite donc des interfaces, des écrans spécifiques pour les archives numériques qui s'appuient sur les fonctionnalités livrées par Vitam, avec un premier écran d'accueil, tableau de bord axé sur les questions d'entrée qui permettent d'afficher ses entrées en cours à soi, et puis les entrées, voilà, on a essayé de personnaliser un petit peu les choses, et puis en dessous, vous avez la liste de toutes les demandes d'entrée faites aux archives nationales dans le domaine du numérique. Ensuite, donc, ce qu'on a développé, c'est un processus d'entrée, donc adapté à notre propre chaîne d'archivage, donc qui tiennent compte du besoin de faire des demandes d'entrée du point de vue des services versants, des missions, et aussi de gérer bien sûr les aspects de téléversement des paquets d'archives à nous transmettre, et enfin les fonctionnalités de prise en main de ces entrées par les agents des archives nationales. Et derrière, Vitam travaille pour faire un certain nombre de contrôles de la qualité générale au sens de la conformité des paquets d'archives avec ce qui est attendu, et puis aussi par rapport à un certain nombre de contraintes qu'on met en œuvre sur la présence d'informations, de métadonnées et autres. Donc il y a des fonctionnalités de recherche aussi, comme je l'évoquais, dans ce qui a été développé. Donc une recherche qui permet des fonctions assez larges, de recherche assez libre sur tout ce qui sera contenu dans la base, avec des premières mises en œuvre de facettes. Et puis ensuite, donc, on peut afficher le détail des unités d'archives, c'est-à-dire des niveaux de description et des archives elles-mêmes, des fichiers eux-mêmes, qu'on peut ensuite télécharger, visualiser quand on a les droits correspondants. Voilà. Donc pour vous donner une petite idée de ce qui a été développé aujourd'hui, c'est juste un petit peu de teasing, mais bon, mes collègues, notamment des missions, connaissent ça par cœur, puisqu'on les associe depuis un certain temps à la conception de ces écrans, qu'ils ont largement eu l'opportunité de les découvrir. Mais voilà, à partir du 29 novembre, on va rentrer dans une phase vraiment beaucoup plus concrète de mise en service. Et on espère très, très rapidement améliorer les choses. Alors, le 29 novembre, c'est une fin en soi, mais c'est, comme je le disais, simplement une étape, puisque depuis août, en fait, on travaille à la suite, avec donc un certain nombre d'axes de développement, d'axes de travail pour 2019, axés en priorité sur ces questions d'accès aux archives, comme je l'évoquais, avec trois grands sujets qu'on a décidé de traiter en priorité: la gestion des communications administratives, la gestion des consultations en salle de lecture des archives nationales, donc dans une logique de consultation dans un intranet sécurisé, on va dire, et un troisième axe d'accès qui est la gestion des archives sous dérogation, plus exactement prioritairement la consultation contrôlée des archives sous dérogation. Et par ailleurs, on a un certain nombre d'autres axes de travail, de développement, dans une logique d'accroître les capacités de prise en charge de la plateforme, avec des perspectives de prise en charge, a priori, dès le premier trimestre, ou dès la fin du premier trimestre, en tout cas 2019, de paquets d'archives produits par l'application Solon. Donc on va faire, dans un premier temps, cette prise en charge de manière manuelle, mais des gros développements ont été faits du côté de Solon pour permettre la production automatique de ces paquets, et on mettra en œuvre ensuite, a priori plutôt dans la deuxième partie de l'année, une logique de prise en charge automatisée de ces versements pour vraiment construire des flux, pour construire un premier exemple de flux. Voilà, et à ça, donc, on a dans notre programme d'autres objectifs de travail, notamment en matière de gestion d'archives, d'administration d'archives. Voilà pour ce qui concerne Adamant. Donc, vous risquez de me revoir l'an prochain, si je suis toujours là, puisqu'on est toujours à ce poste-là. Mais en tout cas, vous trouverez quelqu'un pour vous parler d'Adamant, a priori. Si je suis toujours là, ça relève d'autres problématiques. Tu nous fais du Gérard Collomb, là? Oui, non, pas du tout. Pas du tout. Adamant donc est vraiment dans cette optique, comme je l'évoquais, un programme de travail sur plusieurs années. Donc, écoutez, ce sera avec plaisir, en tout cas, que je reviendrai l'an prochain donc pour vous parler de la suite de nos travaux et pour vous faire une démonstration cette fois, je pense, de manière certaine. Merci de m'avoir écouté si longuement.